Je me suis réveillé dans le doute. C'est ça les histoires de couple. Pour elle je lève ma coupe. Je l'ai connue, j'étais dans le gouffre. Je me suis réveillé dans le doute. C'est ça les histoires de couple. Pour elle je lève ma coupe. Elle a regardé mon phone. Je me trouvais dans la douche. Et c'est là qu'on commençait tous les soucis. On n'a pas fini avec les soucis. Non, l'amour est plus fort que tous les soucis. On n'a pas fini avec les soucis. Pour la vie on est ensemble. On part en vacances ensemble. On fait un enfant ensemble. Du poids sur la conscience. On n'a pas fini avec les soucis. On n'a pas fini avec les soucis. Non, l'amour est plus fort que tous les soucis. On n'a pas fini avec les soucis. Je promets d'être fidèle. Désolé ma belle, je n'ai pas appris à aimer. Je ne joue pas un personnage. Je l'aime d'un amour sauvage. Viens de la cité, je n'ai pas appris à aimer. Les pieds sur la table basse en me servant le thé. Elle me jette un regard meurtrier. J'ai rempli le cendrier, j'ai pas sommeil. On n'est jamais mieux déçu que par soi-même. Comme t'es une tigresse, j'ai garé le jaguar dans la villa. Le cœur et les pieds abîmés dans des claquettes à Havana. En baleine, toi et moi. Je me suis réveillé dans le doute. C'est ça les histoires de couple. Pour elle, j'élève ma coupe. Je l'ai connu, j'étais dans le gouffre. Je me suis réveillé dans le doute. C'est ça les histoires de couple. Pour elle, j'élève ma coupe. Elle a regardé mon pote. Je me trouvais dans la douche. Et c'est là qu'on commençait tous les soucis. On n'a pas fini avec les soucis. Non, l'amour est plus fort que tous les soucis. On n'a pas fini avec les soucis. Dans un bouquet de roses noires, j'ai trouvé une rose rouge. Pour elle je lève ma coupe. Je l'ai connu, j'étais dans le dos.